Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 2011. Le monde entier découvre Viviane Maier, cette photographe inconnue, totalement autodidacte, qui a laissé un trésor de plus de 140 000 négatifs. Ses percutantes photos de rue viennent d'être publiées dans un livre, sa cote ne cesse de grimper et son histoire affole les médias. Viviane Maier, la nounou des beaux quartiers, et son incroyable talent caché enfin révélé. Un scénario parfait, offert par la réalité. À l'origine de cette découverte, un certain John Malouf. Il y a 4 ans, en 2007, ce jeune agent immobilier de Chicago était à la recherche de photos anciennes pour illustrer un livre sur le quartier de Portage Park. Il fait alors l'acquisition d'un lot de 30 000 négatifs, des dizaines de rouleaux de pellicule et quelques tirages pour un total de $380 lors d'une banale vente aux enchères. Il s'agissait du box d'une vieille dame hospitalisée qui n'avait plus les moyens de stocker ses effets. Ne trouvant pas les images qu'il cherchait, John Malouf va d'abord remiser son carton avant de scanner quelques rouleaux qui vont l'interpeller. Ces négatifs que j'ai découverts, quand je les ai vus la première fois, je ne savais pas si c'était vraiment bon. Mais je pensais que c'était bon. J'ai contacté quelques galeries, je ne savais pas où aller. J'ai donc créé un blog photo et j'ai posté quelques 200 images. Si les galeries et les musées restent quoi, la publication des photos sur un blog, puis sur le réseau social Flickr, rencontre un succès immédiat. Les commentaires élogieux pleuvent de toutes parts, des négatifs se vendent même $80 sur eBay. Joëlle Meyerowitz, une des références de la street photographie, confirme à John Malouf qu'il a entre les mains l'œuvre d'un ou d'une grande photographe. Mais qui est-ce ? Donc je me suis donné pour mission de rassembler le reste de son travail. Et j'ai ainsi trouvé d'autres personnes qui ont acheté aussi des cartons et je les ai rachetés. Et je me suis retrouvé avec un nombre incalculable de négatifs. J'ai toujours voulu savoir qui était derrière ce travail. Sur une enveloppe provenant d'un laboratoire photo figure le nom de Viviane Maier, dont Malouf ne retrouve aucune trace sur le net jusqu'à la publication en 2009 d'une nécrologie par le Chicago Tribune. Signé des 3 enfants dont Maier avait été la nourrice, le texte lui rend hommage en ces termes. Movie critic and photographer extraordinaire, en français dans le texte. Tonight, we've asked Harriet to tell us something about her own personal movie camera. I like it because it's easy to carry, it's very good looking, and it's easy to use. They're made by Kodak, so you know they're good. Françoise Morin, de la galerie Les Douches, représentante de Viviane Maier à Paris. Pendant des années, on pensait que Viviane Maier était une sorte de Mary Poppins amateur éclairée. Qu'elle faisait ses photographies l'air de rien, sans avoir vraiment une grande connaissance de ce qu'elle faisait. Et on se rend compte que cette femme savait parfaitement ce qu'elle faisait. Elle le disait elle-même. Elle disait elle-même qu'elle était une très bonne photographe. Et à partir de 52, elle s'achète des appareils photo, dont le Rolleiflex, destiné aux professionnels. Et là, on apprend pas mal d'éléments. Grâce à Anne Marx, sa biographe, on se rend compte qu'à partir de 1952, Viviane Maier a essayé d'être photographe commerciale au sens commercial photographer, c'est-à-dire qu'elle a essayé de vendre les prises de vue qu'elle faisait dans la rue. Viviane Maier n'était donc pas seulement cette photographe du dimanche, mais l'auteur d'une œuvre consciente, qu'elle a dans un premier temps cherché à rendre visible. Elle a essayé pendant ses années new-yorkaises d'être une photographe commerciale, mais en 1956, quand elle part à Chicago, visiblement là, elle met de côté toutes ses velléités de photographe professionnelle commerciale. I used to work in Chicago in a department store. I used to work in Chicago. I did, but I don't. Mais il n'empêche que Viviane Maillard, pendant toutes ces années à New York, fréquentait régulièrement toutes les expositions, était allée voir les expositions au MoMA, Museum of Modern Art à New York, sur les French Photographers, ensuite sur les expositions collectives comme The Family of Man en 55. Donc elle était très très au courant de l'histoire de l'art. Elle avait une bibliothèque absolument passionnante. On retrouve des livres de Bérénice Abbott, on retrouve énormément d'éléments qui font dire qu'aujourd'hui, le mythe de cette femme photographe avec 143 000 photos n'est pas tombé du ciel. Dans les rues de Chicago, Viviane Maillard a donc poursuivi son art qui n'est pas qu'un hobby. Son obsession pour la capture des images, davantage que leur développement, explique qu'elle ait fait peu de tirages. Mais les quelques planches contact révèlent une maîtrise virtuose du cadrage et un protocole qui vise juste en deux, voire trois déclenchements maximum. Viviane Maillard va même devenir une pionnière de la photographie couleur. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en couleur, elle est pionnière. Et c'est ça qui est quand même assez étonnant, puisqu'elle commence à faire des photographies couleur dès 1952. Pour vous donner un repérage dans l'histoire de la photographie, la première exposition personnelle au MoMA en couleur, c'est Ernst Haas en 62. La première exposition collective, c'est en 55. Elle, dès 52, passe à la couleur, alors que la couleur était réservée à toutes les activités dites commerciales, publicitaires, et n'avait surtout pas de statut artistique. On se rend bien compte que le regard sur l'œuvre de Viviane Maillard s'est modifié au fil du temps. À mesure que le mystère Maillard se dissipe dans le bain révélateur des découvertes, ce n'est plus la silhouette d'une histoire extraordinaire qui apparaît, mais l'image fixe d'une figure incontournable de la photographie moderne, au même titre que Man Ray ou Cartier-Bresson.